T'es dans la fleur de l'âge, la force de l'âge. Ton boss, il dit, Jean-Paul, tu peux monter jusqu'à la présidence de la compagnie. Fait que là, Jean-Paul, il est content, toi. Là, il s'en va. Puis quand t'es vieux, mets-tu de la colo. Mais que tu sois jeune, ou en sandwich, ou vieux, tu peux toujours changer de plan. Les moyens sont différents. L'âme va s'y prendre différemment parce qu'elle prend en considération la vie d'âme. Parce qu'il est en haut et en bas. Mais c'est plus facile quand t'es jeune. C'est moins facile quand t'es en sandwich, puis c'est plus dur quand t'es vieux. Vous autres, vous avez une belle situation. Toi et puis d'autres. C'est difficile pour nous autres, tant qu'on n'est pas dans cette conscience, tant qu'on n'a pas cette intelligence qui est au-delà de l'intellect, tant qu'on n'a pas des liens assez forts pour suivre soi-même. Pour ce... Là, il y a un point que je veux faire, ça. En parlant du fameux contact. Tu sais, je parle du contact depuis des mois de temps. C'est évident que quand t'es en union vibratoire avec eux autres, ben, oh, tu peux parler avec eux autres, un petit peu. Ça, c'est normal. Mais c'est pas dans le dialogue avec eux autres qu'on apprend à faire ce qu'on a à faire. C'est dans la vibration. Autrement dit, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais en machine. Quand tu m'as envoyé dans la jungle, là, il faisait pas que j'ai la map. Pas de map. Pas des États-Unis, jusque dans la jungle de Mexico. J'arrive au bout, là, j'avais encore le tank de gaz, j'avais plus d'argent. J'étais arrivé juste. Là, c'est eux autres qui renaient. Prends sur le plat, prends sur le plat, prends sur le plat, prends tout. Là, t'es gelé, t'es dans une énergie. Mais quand tu reviens à la vie normale, là, où ils travaillent plus de la même façon, à ce moment-là, ils vont pas te dire, mamie, quand tu vas à Québec, tu prends sur le plat, prends sur le plat, prends sur le plat, ça sera trop facile. Tu comprends ce que je veux dire? Ça sera trop facile. Alors, ils vont faire travailler une map, ils vont faire demander un gars. Si t'étais là tout seul, ce serait différent. Si j'étais tout seul, si j'étais avec Gisèle, à ce moment-là, ça, ils vont utiliser ses nerfs. Prends tout le club, 10 000 plus loin, puis tu reviens, fin carré, puis ça t'amène au point pareil. Puis comme je peux pas me permettre d'imposer ma... Parce que ça serait l'initiation. Tant que je peux pas me permettre d'imposer ce que disait ma patiente, à ce moment-là, je comprends ma... pas donner des galères, pas de mal. C'est long, c'est ça que je dis, c'est comme arriver en Chine. Mais quand on se conscientise... C'est ça, je dis, quand on se conscientise, il s'agit pas de dire, bon, ben, comment est-ce qu'il va se rendre là? Parce qu'ils vont dire, fais le mouvement. Ou ils parleront pas pendant tout. Fait que t'es obligé d'aller sur ta vibration. Mais le point que je veux faire, qui est extrêmement nuancé, c'est que, plus on se conscientise, plus on se casse pas la tête avec ce qu'on fait. Ça, c'est un grand signe de notre conscientisation. C'est bien difficile d'expliquer. Quand on se conscientise, tu t'en vas par là, tu t'en vas par là, tu veux arrêter au garage, tu t'en vas par là, puis c'est non. T'en arrives à pas mettre ton intellect là-dedans. Comprends-tu ce que je veux dire? Tu mets pas ton intellect là-dedans. C'est sûr que tu mets ton intellect là-dedans, là, c'est chèque, là. Là, tu l'as devant, comprends-tu? Il dit, va t'en parler, puis c'est par là, faut que tu t'en ailles. Le pif. Tu y vas au pif, tu y vas, s'il faut que t'as, si t'es fatigué, faut que t'arrêtes au garage, t'arrêtes au garage, petit. Bon, mais c'est la même chose qu'il faut qu'on transpose dans notre vie de tous les jours. La seule chose, c'est qu'avec le temps, on vient à un point où on ne se questionne plus. Pis ça, c'est bien important d'en arriver à un point où on ne se questionne plus. On fait le mouvement, même s'il y a une perte d'énergie apparente, ça développe une résistance dans notre corps mental. On devient extrêmement neutre. Pis ça, apparemment, il dit au stage où vous êtes, c'est bien important de devenir neutre. Pas mettre votre intellect dans leurs affaires. C'est toujours... Mettez pas votre intellect. Quitte à pas leur parler. Comme si on leur parle pas, ça va fermer. Non. D'ailleurs, quand vous leur parlez pas, c'est eux autres qui coupent le courant. Ça apparaît comme si c'est vous autres qui leur parlez pas.

C'est pour ça qu'on se crée de l'angoisse pour rien. On est toujours sur le pilote automatique. Mais on ne réalise pas. Puis comme on ne réalise pas, on bénéficie pas du pilote automatique. Et là, la deuxième nuance. On n'en bénéficie pas. Quand on commence à bénéficier du pilote automatique, on est bien en maudit. Mais à ce moment-là, ça ne devient pas de l'insuffisance. C'est que tu fermes. Ça va. Ça va, l'intellect? Là, tu viens te prendre en cours de manuel. C'est marrant que je veux dire. Ça, tu fais ça tout le temps. Ça, c'est ça. C'est ton pattern. Tu fais ça. Tu prends le manuel. Ouais? Ouais, mais tu deviens plus sensible à ce qui se passe. Il y a la soirée. C'est ça. Tout le temps. Si tu veux, je vous dis, c'est pas vos affaires. Ouais. C'est parce qu'on a pas encore détruit l'illusion de l'évaluation. Ah! Exactement. Parce que vous n'avez pas les illusions de l'évaluation. Fait qu'automatiquement, vous vivez à l'intérieur de cette forme-là, puis vous vivez des vies qui sont mélangées. Un petit peu de automatic pilot, puis un petit peu de manuel. Fait que la vie, on s'en va de même, temps en temps, ça va de même, temps en va de même, temps en temps. Des fois, vous dites, ah, ça va bien aujourd'hui. Là, l'armarique perd. Des coups, pas. Quand t'es sur pilote automatique, ça va toujours de même. Tout le temps de même. Ça peut pas aller de même, c'est impossible. Là, grave. Aussitôt que tu vas mettre les mains sur le pilote manuel, c'est final, tu descends. Comme le gros contrôle, c'est encore. Tu as compris que vos gars, t'as déjà. Mais tout, j'ai vu. Le patron, c'est moi. Mais, dans la réalisation de tout ça, dans la réalisation de vivre sur le pilote automatique, bon, c'est évident qu'on ne peut pas arriver à cette réalisation-là, tout d'un coup, à moins qu'il nous fusionne. Là, t'as pas de choix, t'es là, avec les bras. Mais, quand t'es en évolution vers ça, l'ego, naturellement, est vide. Les deux mains sur le manuel, puis il a peur de le lâcher. Mais avec le temps, il va se faire un whoop, il retourne ses mains, puis il fume sa petite cigarette. Puis il s'aperçoit que l'avion marche tout seul. Il a peur, puis je te dis, il remet dessus. Exactement. Exactement. Parce qu'il est vert. Fait que c'est exactement ça qui se passe dans nos vies. Exactement ce qui se passe. C'est dur de vivre, donc. C'est très facile de vivre. C'est comme quand tu vas en baisser. C'est très facile de vivre, seulement c'est difficile de passer de l'existence à la vie. C'est la transition, le passage d'un plan à un autre qui est difficile. Oui, mais il n'y a rien qu'on peut faire pour l'aider. Il faut attendre qu'il décide qu'on est prêt, que nos vibrations s'ajustent. C'est eux autres qui les ajustent, nos vibrations. On ne peut pas les ajuster par soi-même. Ouais, Comment voulez-vous que le gars qui est deux mains sur le manuel puisse développer le système d'un pilote automatique, il est pas capable. Il est même pas capable de réaliser que c'est possible. Ça veut dire que le monde vit dans la peur. Les gens vivent dans la peur constamment, qu'ils soient riches ou pauvres. Les gens vivent dans la peur de l'insécurité. Fait que ce qui arrive, c'est que on vit pendant des années de temps, là, pour là, tout une petite crotte quelque part. On n'est jamais... Moi, je dis que quand t'es conscient, tu peux pas être heureux, t'as dépassé ça. T'es bien dans ta peau. Être bien dans sa peau, c'est encore plus grand qu'être heureux. Fait que les gens, eux autres, ils sont heureux un soir, puis le lendemain, ils sont pas heureux. Ils sont heureux quand ils vont en vacances, puis ils sont pas heureux quand ils reviennent de vacances. Il y en a qui sont heureux quand ils viennent de vacances. Ils sont heureux, mais ils sont pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont jamais toujours bien dans leur peau, tu sais. La ballon en dedans est jamais pleine. Il y a toujours un petit peu d'air. Il y a toujours un petit peu d'inquiétude, il y a toujours un petit peu d'anxiété. Si c'est pas la mort, c'est la maladie. Si c'est pas la maladie, c'est la belle-mère. Si c'est pas l'assurance ou l'Hydro-Québec. T'sais, il y a tout où il perd la job. Il y a tout où le flat sur le tire. Ou un accident sur l'autoroute. Il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le romantic pilot. Pis c'est là qu'on a des accidents sur l'autoroute. C'est facile de vivre, mais c'est dur de penser. C'est facile de vivre, mais c'est... dur d'arrêter de penser. C'est difficile d'arrêter de penser. Quand tu penses, c'est là que t'as les autres. Chasse tes pensées. Vivre, y a rien de plus facile que vivre. Vivre, très facile. Mais exister, c'est bien tough. C'est une bataille constant. C'est ça que les gens se vident. Moi, plus je vieillis, plus je ravine. Je m'ai montré les photos, là. Je m'ai montré les photos quand j'avais 29 ans, quand ils m'ont contacté. Je suis plus jeune au dit dans ce temps-là. C'est parce que j'ai toujours ça journée. Hein? Aujourd'hui, tu fais ça. C'est eux autres, ouais. Tandis que quand t'es avec eux autres, c'est eux autres qui organisent ta journée. C'est pas toi, là. C'est ça qui est le jour. Planifier notre journée. C'est eux autres qui rendent ta journée. Toi, tu le sais pas, par midi, tu vas avoir un coup de téléphone, eux autres, le savent. Là, t'as tout planifié ta journée, comprends-tu? Là, ta belle-mère, elle vient de l'ouest, elle vient de mettre ta journée à terre. Là, tu veux pas y faire de peine. Tu sais, on vit constamment de même. Non. Mais si tu t'organises, tu peux jamais dire. T'en arrives, tu peux pas t'organiser. Tu peux plus penser. Quand tu peux pas penser, tu peux pas t'organiser. Mais tant que tu penses, tu t'organises. Puis il y en a qui s'organisent. Puis il y en a qui ils ont des journées, c'est comme des vrais crossword puzzles. C'est ça que c'est dur de penser. C'est ça que quand on pense, on existe. Oui, mais le truc, c'est de chasser les pensées d'une tête. Non. Tu peux essayer de les chasser. Quand vous essayez de chasser vos pensées, vous perdez de l'énergie. Vous les laissez passer vos pensées. C'est ça. Moi, si je vous dis que vous êtes une grosse en dessin, vous laissez passer par-dessus votre tête. Mais si vous vous accrochez puis vous essayez de rationaliser si tu vrai que c'est une grosse en dessin ou si c'est pas vrai que c'est pas une grosse en dessin, là, vous allez en perdre d'énergie. Corinne, il veut dire. Corinne, ou pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? Je lui dis la tête, puis là, mais. Corinne? Monsieur, la gueule gros. Et c'est là qu'on peut s'accrocher. Comment? J'essaie de vous faire avec tout le respect que j'ai à votre personne. Pas de grosse personne. C'est pour ça que c'est le fun parce qu'il y a une grande amitié entre nous autres. Fait que moi, ça me permet de vous parler d'une certaine façon. Sans ça, si j'aurais pas d'outils, je me sers de tous les outils que j'ai. Pour vous faire comprendre comment ça marche, les autres. Pis ils nous le font, moi ils me l'ont déjà fait. Moi dans la souffrance, pis ils me disaient, ta maudite tête de cochon, on va t'en casser. Pis j'étais en souffrance. Je m'en occupe. Éventuellement, ils te lâchent en paix. Ils ont fait le travail. Mais là, s'ils disent, ta maudite tête de cochon, on va t'appeler, ton égo, on va te le mettre à terre, ben tu fais tout ça. Tu commences à t'inquiéter, qu'est-ce que tu vas faire, ils vont-tu me donner un choc, qu'ils vont-tu me faire passer l'autre affaire. Pareil. C'est comme ça qu'ils nous améliorent. Éventuellement, tu peux le passer. Il n'y a plus de matériel dans ta tête, il n'y a plus. Enfin, à ce moment-là, ils te parlent, mais là, ils disent quelque chose comme ça. Mais la minute que tu conscientises, là, la tête de cochon elle commence à diminuer. Quand tu conscientises, ta tête de cochon change de couleur. Ben oui. Quand tu es inconscient, ta tête de cochon est liée à ton tempérament, est liée à ton caractère. Mais quand tu te conscientises, ta tête de cochon elle provient de ta volonté. C'est ça. C'est la minute que tu penses, tu es dans le trou. La minute que tu penses, tu crées des problèmes. Qui sont probablement réels, parce qu'ils vont se produire, ou qui sont illusoires, parce qu'ils se produiront pas. Fait que tu souffres premier. Fait que soit réels, ça n'a pas d'importance, ils vont se résoudre, puis ils sont illusoires, mais tu vas vivre, tu vas souffrir premier. Parce que dans toute pensée que vous vous pensez, il y a une émotion. Toujours, il y a toujours une émotion dans votre pensée. C'est ça. Tout le temps, il y a une émotion. Sans ça, c'est la pensée créative, comme les mathématiques. C'est pour ça que c'est puissant, les mathématiques, il n'y a pas d'émotion dedans. C'est pour ça que quand tu laisses aller ta pensée, automatiquement, tu rejettes l'émotivité, puis ça ne fait plus rien. C'est ça. Tu ne te laisses pas contaminer. C'est ça. Par ton atmosphère astrale. Mm-hmm. C'est important. Ça vient avec le temps. Ça, on le sait, on ne le sait pas. Alors, concernant le travail, c'est bien important de comprendre que demain, votre attitude avec le travail, en relation avec le travail, va changer. Elle peut pas faire autrement. C'est là que vous allez être amené par l'âme, par vos vibrations. Certains là. Ce que je vous dis, plus tard, vous allez être amené à vous isoler. Parce que l'âme va isoler tous les âmes dans tous les pays qui vont venir en contact avec elle. Parce qu'à un certain moment,